Sur cette route à double sens de circulation, la voie de droite peut être assimilée à une voie de stockage pour tourner à droite et à une voie de décélération. Elle permet de moins gêner les usagers qui pourraient me suivre et qui n'auraient pas l'intention de tourner. Bien sûr, pour prendre la départementale 116, je ne continue pas tout droit dans cette voie jusqu'à l'intersection, mais je serre à droite dès que possible. Réponse A.